Ruche, source clignotait, source infinie, source qui ne se terminait pas si le progrès est permis. Éclair qui bon et bien est, produit de la lumière et ruche. Éclair neutralisa qui cherchait à saper la lumière. Éclair qui bon et bien est, crevasson méritain, ceux qui bloquaient la lumière écrit. Éclair voyage à proximité et au-delà. Éclair qui entremêlait de thème en thème, montait l'eau colérée et la perforation. Clignoté accumulait une source de millions. Non parlant des millions qui se nourrissaient de sa lumière écrit. Sur clignoté, source infinie. Sur qui ne se termine pas si le progrès est permis. Éclair qui bon et bien est, produit de la lumière rouge. Éclair nourrissant, cherchait à saper la lumière. Éclair voyage à proximité et au-delà. Jules César.